Chicks. Okay. On veut des gush nous, du cash flow c'est tout. Ce que je veux c'est flou, c'est tu quand c'est mieux que la merde que t'as jusqu'au genou. Et quand je loue, je déclenche ton déhanchement. Franchement c'est con que tu kiffais pas avant. Bon, dis pas que t'aimes bien maintenant, enfoiré. Toi tu penses drogue, putain soirée. Moi je veux du genre pour ma femme et mes gosses. Je viens des tas carrés, non carrément ouf. J'ouvre tes mâches, bouffe tout ce qui passe je prends. Toute sorte de critique, j't'ai plaisé, c'est ça mon plan. SM3, tu connais, ah putain c'est As mon clan. Aucun clin d'œil pour les autres M, s'ils sont tous des glands. C'est ça mon grand, on me dit que je suis cru. Tu crois que ton crew est un cru, est un tout, t'es juste un lascar dans ta rue, mec, parle pas trop, tu penses qu'à toi trop. Pire, t'es juste un gars trop qui case, mais si t'es pas le patron. En 24 ans, j'ai écrit des centaines de textes, toujours en 4 ans. En final, j'écris toujours ce monde de catin. J'ai perdu tout ce temps à croire qu'on m'appréciait pourtant. J'ai perdu tout ce temps restant constant, jamais content. J'ai perdu tout ce temps depuis tout petit, tout me tente depuis tout le temps. Tu me dis que tout ce monde, tout ce m'étonne, tu m'étonnes. J'ai perdu tout ce temps à croire qu'on m'appréciait pourtant. J'ai perdu tout ce temps restant constant, jamais content. J'ai perdu tout ce temps depuis tout petit, tout me tente depuis tout le temps. Tu me dis que tout ce monde, tout ce m'étonne, tu m'étonnes. Je mâche pas mes mots, l'image que je renvoie. C'est peut-être pas la bonne dommage, mais je rends pas toutes les mailles qu'on m'envoie. J'ai peut-être pas le style à pro, briller mes taf comme un pro. Moi mon rap est réfléchi et je te tuerai pas en impro. On veut des recettes, des profits, on accepte tout, du cash surtout. Moi je veux que tu kiffes, moi et mon crew, je suis pas le nouveau Marshall. Toi tu marches à l'oseille, si c'est pas Marseille, 0-200, faut que tu reconnaisses à l'oreille. Ça vient de là-haut, c'est tout nouveau, bah non, 7 ans que je suis là, mais t'entends rien ou bien. T'écoutes toujours ton putain de peur, ah merde, t'as l'anti-choc. Et bah prépare ton chèque, achète mon scud. Eh, hey, ça vient de chez Watt, s'te plaît. ODS, on sait que ça critique, que ça jacque, mais on les laisse. On n'est pas de la même époque, on n'a pas la même politique. On n'est pas de la même éthique, et si ce track là plaît pas, m'en fous, j'ai des centaines de prods en stock, mon gars. J'ai perdu tout ce temps à croire qu'on m'appréciait pourtant. J'ai perdu tout ce temps restant constant, jamais content. J'ai perdu tout ce temps depuis tout petit, tout me tente depuis tout le temps. Tu me dis que tout ce monde, tout ce m'étonne, tu m'étonnes. J'ai perdu tout ce temps à croire qu'on m'appréciait pourtant. J'ai perdu tout ce temps restant constant, jamais content. J'ai perdu tout ce temps depuis tout petit, tout me tente depuis tout le temps. Tu me dis que tout ce monde, tout ce m'étonne. Tu m'étonnes, j'ai perdu tout ce temps à croire qu'on m'appréciait pourtant. J'ai perdu tout ce temps restant constant, jamais content. J'ai perdu tout ce temps depuis tout petit, tout me tente depuis tout le temps. Tu me dis que tout ce monde, tout ce m'étonne, tu m'étonnes. J'ai perdu tout ce temps à croire qu'on m'appréciait pourtant. J'ai perdu tout ce temps restant constant, jamais content. J'ai perdu tout ce temps depuis tout petit, tout me tente depuis tout le temps. Tu me dis que tout ce monde, tout ce m'étonne, tu m'étonnes.